des milliers d'années passées. Et l'homme jouit toujours de la lumière et de l'air que Dieu donne. L'homme respire toujours le souffle exhalé par Dieu lui-même. L'homme jouit toujours des choses créées par Dieu, poissons, fleurs, oiseaux et insectes. L'homme jouit de toutes choses, toutes les choses données par Dieu. Incessamment le jour et la nuit se en hiver et reviennent au printemps, nageant dans l'eau, les poissons jamais ne quittent les rivières et les lacs, leur maison. Mais jamais les landes s'éloignent de l'herbe et des fleurs. Toutes les créatures vivantes qui soient s'en vont puis reviennent encore et encore. Un million de changements en un instant, mais ce qui ne change pas, ce sont leurs instincts et les lois de la survie. Elles vivent sous l'entretien et la provision de Dieu. Nul ne peut changer leurs instincts. Et l'homme jouit toujours de la lumière et de l'air que Dieu donne. L'homme respire toujours le souffle exhalé